Enfants de tout pays, bonjour! Vous êtes bien sur Radio Fadjet, Nancy 94.2. Xavier à la technique, casé en votre compagnie, pour vous présenter Patchwork numéro 56 à l'écoute des musiques du monde. La programmation de ce jour comprend du zouk entier, c'est une tradition. Un voyage musical en Arménie, trois coups de chapeau et une promenade autour du mont Montagne. Place au zouk! Patrick André, né en janvier 1968, est un auteur, compositeur, interprète et arrangeur musical originaire de Saint-Joseph en Martinique. Il a la particularité d'avoir suivi des études musicologiques à l'université Paris 8 dans les années 1990 et d'avoir suivi les enseignements de Svetlana Dobrev au conservatoire russe Rachmaninov. Patrick André s'est également distingué en écrivant un roman. Patrick André, histoire au moins! L'Arménie. La République d'Arménie en arménien, Hayastan, est un pays situé au sud du Caucase en Asie occidentale. Cet ancien pays de l'URSS a des frontières avec la Turquie à l'ouest, la Géorgie au nord, l'Azerbaïdjan à l'est et l'Iran au sud. Bien que géographiquement située en Asie, l'Arménie est considérée comme étant européen d'un point de vue culturel et politique. Le pays est d'ailleurs considéré comme un berceau du christianisme et des civilisations indo-européennes. L'Arménie est membre de nombreuses organisations internationales comme l'ONU, le Conseil de l'Europe, la CEI, etc. Se caractérisant par un riche héritage culturel, l'Arménie se dit héritière de l'Urartu, un royaume dont le territoire était bien plus grand que l'Arménie actuelle. L'Arménie fut la première nation à adopter le christianisme comme religion d'État en 301. Actuellement, l'Arménie est un pays constitutionnellement séculier, mais la religion chrétienne y tient une place importante. On y trouve beaucoup de rachkars, des stèles avec une ou des croix avec des ornements. Population de l'Arménie, 3 millions d'habitants pour une superficie équivalente à l'Alsace-Lorraine. Villes importantes, Yerevan, la capitale, 1 million d'habitants. Gyumri, anciennement Léninakan, 120 000 habitants. Vanadzor, 80 000 habitants. Oxy, Abdalian, Krakinka! Yes, kiss him up. Do good, dear. coup de chapeau à un chanteur arménien actuel, Spitakchi Haiko. Haiko de Spitak, une ville du nord de l'Arménie comptant 15 000 habitants et qui fut l'épicentre du séisme du 7 décembre 1988 qui dévasta la quasi-totalité de la ville. Né en 1974, Haiko est une grande figure actuelle du rabiz en Arménie. Le rabiz est un genre musical arménien, une musique populaire mélangeant des influences traditionnelles et des mélodies orientales en y ajoutant parfois des arrangements électroniques. Vous le connaissez sans doute sans le savoir car Maître Gims avait participé à une version remixée sortie en France. On vous fait écouter la version d'Haiko avec Super Sako. Super Sako, Haiko, Minya! Menakem aşkarım aranske Papa yarı Den çüme im sirte mi ankes Lurtanç bu mehoki sarites Arites, arites Menakem aşkarım aranske Yes Den çüme im sirte mi ankes Play life Lurtanç bu mehoki sarites Arites, arites Es khentrum em mi gena, mi gena You hear me? Mr. Super Sako, suits and coupes in Morocco. While we keep a gangster, I move like a vato. I am the king, you're the queen of my castle. Give you everything if I got to. Yeah, I know you love me like French toast. Pacific coast, moving in the drop coast. You put your makeup on, I gotta drive slow. I know this life I'm living left you heartbroken. Also, mind over matter, I paid them no mind. And you all that matter, I messed up, I had you. Let's meet on a Saturday, forget what they had to say. I gave you my heart like an organ donor. And all you left me with is your Chanel aroma. It's hell without you, I wish I cloned you. I'm contemplating whether if I should phone you. It's through me, Miguel. Gena, gena, gena, gena, im gırkum mena, im gırkum mena, mena. Seti sere getanke, sena kokiz duline. Serdi sere getanke, sena kokiz duline. Yeah. Then I was born, I'll be touring Barcelona. Fly to Vegas, got a meeting with the owner. We can get the penthouse if you want to. I know the bullshit we've been through, make us stronger. If I get down on one knee, would you come back to me? Baby, we should talk about starting a family. Actually, we could talk about the ring size. MGM, Manny G fight sitting ringside. Keep her all made down, she don't mess with Levi's. That's how we do when you're messing with these guys. I mean me and my girl must stay fly, first class Versace on her eyelids, private jet fly to Cuban islands, and when I mess up, I buy her diamonds, so. Es rentrum en mi gena, mi gena, gena, gena, mena, im gırkum mena, im gırkum mena, mena, seti sere getanke, mena kokiz dulines, serdi sere. Deuxième coup de chapeau à Haiko et dédicace à ma maman et à ma petite sœur Anaïde. Tout de suite, nous écoutons DJ Davo et Haiko Cheche Uzum. Yeah. Baby, I don't wanna wake up if I ain't gonna wake up next to you. Yeah. Cause life without you is pointless, baby. Won't you come back? Ես խենտ նայող իմ աչքերին, սերիմ դուշա դուր եկար, հոգով մակուրք եսպես մեկին, ես փնտրել եմ շատ երկար, չեմ ուզում, որ դու դառնաս, հանկարծ գիշերվա երազ, թե երազես չեմ ուզում, արթնանամ, տեսնեմ դու չեկաս, չեմ ուզում արթնանամ, տեսնեմ դու չեկաս, jestem tu čekas. Usumem duline sira kan vožde jira. Čežem uzumar tanam jestem tu čekas. Usumem duline sira kan vožde jira. My baby on fleek, 7 days of the week. Baby I'm a rock star. Me and you we go far, so far away. Baby come here, no time to play. Maybe we should run away. Let me lead you to the way. Çeçem uzun artana, destem du çekas. Uzumem duline sira, kan var işte yira. Çeçem uzun artana, destem du çekas. Uzumem duline sira. Խնդրում եմ, որ չթողնես սերը իման պատասխան, հավատա ինձ, սիրում եմ քեզ, անկեղ սիրով իրական. Երազանքներիս աշխարհն է, չդառնաս երազ հանկարծ. Քեզ խնդրում եմ, որ չթողնես ու գնաս ճամփով անտառ. Չեմ ուզում արթնանալ, տեսնեմ դու չկաս. Ուզում եմ դու լինես իրական ոչ թե երա. Baby, she a dream. I treat her like my queen. I'm gon' put you on my team. Baby, all I do is win. We gon' hop in the Mercedes. We can make some babies up in the mansion. Show me some affection. DJ Dabo, stay flexing. Çeçem uzun artana, destem du çekas. Uzumem duline sira, kan var işte yira. Çeçem uzun artana, destem du çekas. Uzumem duline sira, kan var işte yira. De chapeau à Haiko avec un morceau un peu moins américanisé. Haiko, Hitch, Imanai! Vormiyor genel uyuyor standart çapı. İki manay. داریم سیر بو حکیم کسی Чем абсосу Аж керит ме чем естаю Каротов хосу Ну ми як тес хокус ворку Вори сирелен Сирелен у сардин тирелен Кезем те вер сарди сене Кучем абсосу Аж керит ме чем естаю Каротов хосу Ду ми як тес хокус хорку Вори сирене Сирене му сати дирене И чи манай Вор ми йор генану Е сандар чампоз И чи манай Вор гето весиц Мороду карото Ичи манай Ичи манай Борим сирту Хоки Чи сири Ичи манай Борми йор генану Е сандар чампо Ичи манай Боргето гесиц Мороду карото Ичи манай L'Arménie et l'histoire. L'histoire de l'Arménie a été mouvementée et fut marquée par d'innombrables événements, souvent dramatiques. Génocide des Arméniens de l'Empire ottoman. Éphémère proclamation de la République démocratique d'Arménie avant de réapparaître au sein de l'URSS. Tremblement de terre en 1988, indépendance en 1991, puis la guerre du Haut-Karabakh jusqu'en 1994. Et de nouveau, la guerre en Artsar ces dernières semaines. Ces différents épisodes ont entraîné des mouvements migratoires et des exodes. La diaspora arménienne est ainsi dans tous les coins du monde. En France, les Français d'origine arménienne sont nombreux. Ils sont présents dans différents domaines, la culture, le sport, la littérature, la politique, les arts, etc. L'arménité de certains est bien connue. Charles Aznavour, Youri Djorkaeff, André Manoukian. Parfois, les origines arméniennes de certains sont moins connues. Alice Saprich, Rosie Vart, Alain Prost, Patrick Fiori, Hélène Segarra, Pascal Légitimus, Michel Legrand. Le plus connu d'entre eux était Charles Aznavour qui, avec son beau-frère Georges Gavarens, avait écrit les paroles de la chanson humanitaire « Pour toi, Arménie ». La face B du disque est moins connue, elle est pourtant plus émouvante. Charles Aznavour, ils sont tombés! Ils sont tombés sans trop savoir pourquoi. Hommes, femmes et enfants